Lutter pour Africains, pour les Africains veut dire également connaître les problèmes quotidiens des Africains. Et moi, en tant qu'Africaine, je suis passée par là. Et je crois que l'impact sur le plan politique que j'ai eu au niveau communal a été très grand parce que à la fin, il s'agit de lutter pour qu'il y ait des programmes qui puissent aider une population X à pouvoir mieux s'insérer dans la société et puis qu'on débloque justement de l'argent pour pouvoir financer ces programmes-là. Et je dois dire au niveau communal, il y a plusieurs projets qui ont été financés justement dans ce sens-là, au niveau de l'État de Baden-Württemberg, aussi dans le conseil d'administration également, et même au niveau de l'Allemagne. Déjà, mon implication politique au niveau local m'a donné une très grande visibilité dans toute l'Allemagne. Afrique Média, le monde, c'est nous.